Alors, son déménagement la préoccupa, apportant une distraction triste dans sa vie morne et sans attente. Elle allait de pièce en pièce, cherchant les meubles qui lui rappelaient des événements, ces meubles amis qui font partie de notre vie, presque de notre être, connus depuis la jeunesse et auxquels sont attachés des souvenirs de joie ou de tristesse, des dates de notre histoire, qui ont été les compagnons muets de nos heures douces et sombres, qui ont vieilli, qui se sont usés à côté de nous, dont l'étoffe est crevée par places et la doublure déchirée, dont les articulations branlent, dont la couleur s'est effacée. Elle les choisissait, un à un, hésitant souvent, troublée comme avant de prendre des déterminations capitales, revenant à tout instant sur sa décision, balançant les mérites de deux fauteuils ou de quelques vieux secrétaires comparés à une ancienne table à ouvrage. Elle ouvrait des tiroirs, cherchait à se rappeler des faits. Puis, quand elle s'était bien dit, « Oui, je prendrai ceci », on descendait l'objet dans la salle à manger. Elle voulut garder tout le mobilier de sa chambre, son lit, ses tapisseries, sa pendule, tout. Elle prit quelques sièges du salon, ceux dont elle avait aimé les dessins dès sa prime enfance. Le renard et la cigogne, le renard et le corbeau, la cigale et la fourmi, et le héron mélancolique. Puis, en rôdant par tous les coins de cette demeure qu'elle allait abandonner, elle monta un jour dans le grenier.